C'est Michel qu'on emmène à Uzès samedi soir à Lombrière pour Jeanne Adette. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bon, bah c'est franchement une bonne nouvelle quand même, Jeanne Adette. Vous aimez? Oui. Une bonne nouvelle aujourd'hui, oui. On vous met un petit extrait, tiens, histoire de vous mettre en condition pour samedi soir. Eh, franchement, Michel, je vous envie parce que Jeanne Adette, déjà, tous ses concerts, c'est vraiment topissime. Mais en plus, là, en fait, elle vient de sortir son 4e album. Et donc, c'est cet album hein, qu'elle va présenter sur scène à Uzès samedi soir. Vous connaissez un petit peu Jeanne Adette, Michel ? Un peu. Peut-être cette chanson, d'ailleurs, qu'on vous passe en ce moment, Radiate ? Oui. Ouais, c'est vraiment une super artiste. Hein. Enfin bon, moi je suis amoureux de Jeanne Adette. Voilà, je vous le dis. Bon, Michel, avec qui vous allez y aller donc Lombrière samedi soir? Avec une amie, sans doute. Avec ma petite fille, si elle est libre. Voilà. Elle aime bien votre petite fille, Jeanne Adette? Oui. Bon, bah écoutez, on vous souhaite une super soirée. De toute façon, elle sera bonne. Hein, je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je me présente à l'entrée, que je dise que j'ai gagné? Tout à fait, mais Coralie va vous reprendre au standard et vous expliquera un petit peu le process. Hein. Il n'y a rien de compliqué, rassurez-vous. Mais en tout cas, si vous y allez avec votre petite fille ou avec une amie, c'est la soirée réussite et sourire garanti. Vraiment, je vous l'assure. D'accord. Bon, on vous embrasse, Michel. On vous embrasse. Un peu de lumière aujourd'hui. Eh ben oui, voilà. Il en faut de la lumière, effectivement. Voilà. Au revoir, Michel. Merci beaucoup. Une bonne soirée. Allez, France Bleu Gardeuse tout de suite. C'est Jennifer avec le groupe Voce Ventu. Groupe Corse, hein, bien sûr. Ti vecu o la mia bandera. Ti vecu la mia bandera. Il luviore che si spanna, ogni istante rausole, ogni giocco di campana. Si per me l'alto vanale, a mio strada, a mio fontana. O la mia bandera, o la mia bandera. Tire o la mia bandera, in ogni chi corre, in usa braccia un mare, in aianna di albore, si per me a stella ardente, guida di un essembolore, o la mia bandera, o la mia bandera, ti prego la mia bandera, in ogni monte scurpino, non di là. Ogni legge a noi gaspa un derido, si per me a scorza di da di arburu sembra rito, o la mia bandera, o la mia bandera, io e la mia bandera, il pianto di l'uccello, in la mano che si vuole, in la risa di un zitello, si la mia per me l'ultimo anello, un mio rano, un mio viaggio, con la mia bandera, con la mia bandera. Ti vedo la mia bandera, in un vecchio campo santo, in un vasto di amore, in arima di un mio canto, si per me l'eterna braccia sta. Lozère, Tiveco, Hola Mio Bandera, Jennifer avec le groupe Voce Ventu, groupe Corse. C'est un extrait de l'album Corzu Mezzu, Mezzu, volume 2. Alors, grande soirée, on le rappelle, à Paris, la Défense Arena, ce sera le 28 octobre. Concert Corzu Mezzu, Mezzu, en partenariat avec France Bleu. Bonjour, c'est Serge Delcourt, toute l'équipe du 6-9 ce jeudi matin, sur le pont évidemment à fond avec vous. On va suivre l'évolution météo évidemment. Entre autres invités ce jeudi, le réalisateur d'un documentaire sur la dépression des sportifs de haut niveau, ça s'appelle Strong. Nous évoquerons également le lancement du Téléthon au pont du Gard, des animations avec les pompiers du Gard. Pour les cadeaux, c'est simple, vous gagnez le parapluie France Bleu Gard Lozère. Le 6-9 avec toute l'équipe, demain matin. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, oh, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Gard Lozère, ici, on parle d'ici. 16h33, un petit coup d'œil sur l'état du trafic dans l'agglo nimoise. Toujours des embouteillages sur le boulevard Pasteur Marc Bogner, ça ne change pas par rapport il y a une petite demi-heure. Quelques points de tension aussi sur l'avenue Jean Jaurès qui commence à se charger, tout comme d'ailleurs la route de Beaucaire côté est. L'Aliende à l'est aussi commence lui aussi à se charger, hein, avec quelques répercussions sur l'avenue Pierre Mendès France. Mais pour l'instant, ça reste léger. À noter, ceci dit, tout au sud de l'agglo, quelques ralentissements au nord de Quessac sur la D42. N'hésitez pas en tout cas à nous appeler, hein, pour nous faire part de toutes vos difficultés sur les routes, que vous soyez dans le Gard ou en Lozère d'ailleurs. C'est le même numéro, 04 66 21 36 37. Bleu Gard Lozère dans moins de 5 minutes, l'actu musique avec Émilie Mazoyer. On va parler notamment d'Erita Mitsuko. Et puis, on aura Albin de la Simone en ligne. Il est en concert à Paloma ce soir pour défendre sur scène son 7e album, Les 100 prochaines années. On écoutera le single titre. Et puis tout de suite, super souvenir des 80s. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

je chante doucement. Ça fait partie de mes, c'est ma caractéristique physique, comme si j'étais blond ou brun. Ou, voilà, j'ai une voix qui n'est pas puissante, même si ça n'empêche pas que ça chaloupe un peu ou que ça, ou, enfin, c'est évidemment un peu pop et rythmé, mais je cherche aucune violence, par exemple. Pour cet album aussi, Albin, vous avez choisi de travailler avec un producteur spécifique. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Oui, alors ce type est un mec génial. Il s'appelle Sage, il s'appelle Ambroise Guillaume, mais se fait appeler Sage. Il avait monté le groupe Revolver il y a une quinzaine d'années. C'est un musicien incroyable. Et pour la première fois de ma vie, moi qui suis réalisateur, producteur de disques pour d'autres, je m'étais toujours dit que j'allais le faire pour moi, c'était l'évidence. Et en fin de compte, c'est tellement génial de le faire par quelqu'un d'autre, parce que c'est un regard sur moi qui est différent et qui est beaucoup plus large. Moi, j'aurais tendance à me voir toujours de la même manière, avoir l'impression qu'il y a toujours les mêmes arrangements qui me vont. Et lui m'a regardé avec un œil complètement neuf et m'a proposé des choses dont j'aurais jamais pensé qu'elles pouvaient m'aller. Albin, on va terminer cette interview sur le live. La scène, pour vous, la scène, ça représente quoi, Albin, pour vous? La scène, c'est le point de départ et la finalité du truc. J'écoute de la musique à la maison beaucoup et tout, mais je joue de la musique et je chante. Et quand je joue de la musique et que je chante, c'est dans l'instant. Donc, quoi de mieux que d'être là à ce moment-là? Enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui compte. Merci beaucoup, Albin. On vous retrouve donc le 18 octobre à Paloma, à Nîmes. Vous avez avec grand plaisir. Vous avez un petit message particulier pour tous vos fans à Nîmes? Je suis jamais venu chanter à Nîmes. J'ai joué avec Vanessa Paradis aux Arènes il y a 15 ans, mais je n'ai jamais chanté à Nîmes, je crois, et j'ai passé, j'avais mes grands-parents habitaient Nîmes et Montpellier selon les périodes, et donc j'ai des grands souvenirs de Claret, un petit village qui est pas très loin de Nîmes. Et c'est une région que j'aime beaucoup et dans laquelle je vais rarement jouer, donc je suis super heureux d'être là. Merci beaucoup, Albin de la Simone. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Gard-Lozère, les 100 prochaines années. Albin de la Simone en concert ce soir à Paloma. On écoute tout de suite le single titre. Je suis père et fils, et je fus mari, années 70 avant Jésus-Christ. Je reviens de loin, à travers le temps, j'ai fait le chemin à dos d'éléphant. Mon cheveu farine et ma peau me ment, c'est une patine, c'est un ornement. J'ai bien aimé hier, bien aimé avant, mais j'ignore comment faire sans toi maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Qu'est-ce que tu fais? Les 100 prochaines années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. J'ai lu dans nos mains l'avenir qui brille, de beaux lendemains roulement habillé. Je tiens la calèche, qu'il vente ou qu'il pleuve, une rose fraîche entre mes dents neuves. Plongeons saut de l'ange du haut d'un rocher, dans le ciel orange, je t'ai vu m'aimer. Qu'est-ce que tu fais? années, je te verrai bien. Les 100 prochaines années. Les 100 prochaines années, France Bleu Gard-Lozère, Albin de la Simone, en concert ce soir à Paloma, c'est à 20h. France Bleu Gard-Lozère, ici, on aime les défis. Pour sa deuxième édition, samedi 11 novembre, la Venivici t'invite à remonter l'histoire au fil de l'eau, du Zassanim en passant par le pont du Gard. Plein de formats possibles, du 12 km au 70 km. Et pour ceux qui sont gourmands et qui aiment marcher, une rando avec les produits stars du label des militants du goût. Venivici 2023, plus d'infos sur lavenivici.com ou en écoutant France Bleu Gard-Lozère. On y marche. Go. Un week-end à la mer ? Déjà fait. Et un city break ? Plutôt envie de grands espaces naturels. Alors partons dans un vignoble. Ouais, bonne idée ! En Occitanie ? Du 19 au 22 octobre, vivez un fascinant week-end de festivités, de rencontres et d'expériences inédites au cœur des vignobles de la vallée du Rhône, du Roussillon, du Languedoc, du Pays d'Oc et du Sud-Ouest. Pensez au train et préparez votre séjour sur occitanie.fascinant-weekend.fr. France Bleu Gard-Lozère, les questions des enfants sur le patrimoine de Nîmes à suivre. Et puis tout de suite, Christophe Willem. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon nom sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Faut voir comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. France Bleu Gard-Lozère, fier du patrimoine d'ici. Les petits crocos avec la complicité de Baptiste Auriol, guide conférencier pour Nîmes Tourisme. Alors, toutes les questions que les enfants se posent sur le patrimoine de Nîmes, on y répond. Question de Marceau, ce soir, il a 9 ans. Bonjour Baptiste, je m'appelle Marceau, j'ai 9 ans. Est-ce que tu peux nous raconter la légende de Gilles l'ermite ? On a vu ensemble qu'un grand roi wisigoth est venu à Nîmes pour arrêter une rébellion dans les arènes, Wamba. Mais il y a aussi une autre légende qui est apparue lors d'un épisode de cette même histoire. En effet, lors d'une partie de chasse dans la campagne nîmoise, les soldats du roi Wamba poursuivaient une biche qui s'était réfugiée dans une grotte. Et là, stupeur, cet endroit avait été occupé par une personne, un moine ermite qui vivait sur la route et qui avait aménagé cette grotte pour s'y retirer et prier. On appela le roi Wamba, qui vienne rencontrer cet homme étrange qui se prénomme Gilles. Et ce monsieur vivait à l'extérieur du monde des hommes. L'homme, blessé par une flèche d'un de ses soldats, reçoit en cadeau une terre pour y construire une abbaye. Cette abbaye est encore aujourd'hui célèbre par sa beauté et surtout car elle est une étape très importante des pèlerins sur la route des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous parlons bien de l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard. Saint-Gilles-du-Gard. Bon, si vous aussi vous vous posez des questions, les enfants, eh ben envoyez-nous un petit message vocal hein, via le messenger de France Bleu Gard-Lozère. Allez tout de suite, Kezia Jones. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean of the sea. Say the ocean of the sea. Say the ocean loves the sea. Rhythm is love. Hey, heaven, it's just another word for the feeling called musical. You to make them all colorful. Hey yeah. Hey yeah, you. Oh oh oh. I like to put you in such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevard. Baby. Wintry Boulevard. France Bleu Gallo-Zer, Kezia Jones, Rhythm is Love. Les infos 17h à suivre avec Sylvie Duchesne. Je vais t'aimer. La comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer. Vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. À 19h toute la semaine, toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibel. Salut tout le monde. Émilie Mazoyer. Ce soir dans Décibel, on parle de William Scheller et de la compilation qui lui est consacrée, simplement Scheller. 17 artistes reprennent vers son piano-voix les plus jolies chansons de William Scheller. Il y a plein de gens bien sur cette compile. Calogero, Eddy Depreto, Véronique Sanson et mon invité de ce soir, Vincent Delerme. Décibel, seulement sur France Bleu, chaque soir dès 19h. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux? Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Dimanche 22 octobre, c'est la 17e édition du Festival Primeur aux collines du Bourdic. Venez découvrir le savoir-faire de leurs vignerons avec une visite commentée de la cave à 14h, concert pop du talentueux trio Enjoy Music à 15h et dégustation de savoureuses châtaignes grillées. Entrée libre, événement sous chapiteau. Soyez nombreux dimanche au caveau de Bourdic. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Gard-Lozère. Mercredi 18 octobre, France Bleu Gard-Lozère, il est 17h. Les infos, c'est avec Sylvie Duchesne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Le Gard, toujours en vigilance orange, pluie et inondation. Des pluies temporairement orageuses localisées jusqu'à maintenant sur les reliefs Sévenol. On n'a pas vu grand-chose dans les plaines. Ces pluies devraient s'étendre cette nuit sur le bassin du Vidour, l'Elbassin alésien, avec des cumuls plus forts selon Météo France. Le sud et l'est du Gard devraient encore rester à l'écart de ces plus fortes pluies. Par précaution, les cours avaient été annulés dans de nombreux états. Établissements scolaires ce matin dans la partie nord-ouest du Gard. Même chose pour les transports scolaires. Une partie des élèves du lycée d'Audet à Nîmes, eux, ont été confinés jusqu'en début d'après-midi dans le gymnase après une alerte intrusion dans la matinée. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés le temps de fouiller les locaux. Les cours ont repris en début d'après-midi. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, se déclare favorable à l'installation de bandes d'appel d'urgence dans les lycées. Elles seraient reliées au commissariat ou à la gendarmerie pour mieux sécuriser les établissements scolaires. Carole Delga souhaite également que les enseignants et professionnels de l'éducation soient davantage formés en cas d'intrusion. Elle va écrire une lettre en ce sens au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au moins 10 aéroports évacués encore en France aujourd'hui après des menaces d'attentats, ce qui a provoqué d'importantes perturbations, des vols détournés, des retards. Les aéroports parisiens d'Orly et Charles de Gaulle, eux, n'ont pas été touchés. À Alès, 4 épiceries de nuit ont été contrôlées hier soir par les policiers, opération menée conjointement avec le fisc, l'hygiène, l'URSSAF et les douanes pour rétablir la tranquillité dans les quartiers. Plusieurs kilos de tabac à chicha de contrebande ont été saisis. Des PV dressés pour travail dissimulé. Une bonne nouvelle pour les automobilistes. Total Énergie va maintenir le plafonnement du prix de ses carburants à 1,99€ le litre pour toute l'année 2024. Le groupe avait un temps menacé d'arrêter en cas de prolongation d'une taxe sur les raffineries. Joe Biden, le président américain, est en Israël au lendemain d'une frappe sur un hôpital de Gaza qui a fait au moins 471 morts. Israël et les Palestiniens s'en accusent mutuellement. Le président des États-Unis appuie la version israélienne, désignant un tir de roquette du djihad islamique, un autre groupe armé palestinien. Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas s'est encore alourdi aujourd'hui. 24 morts, 7 disparus, parmi ceux dont on est sans nouvelles, plusieurs sont probablement retenus en otage à Gaza, a déclaré cet après-midi Elisabeth Borne. Paris a déjà rapatrié 3500 Français d'Israël, selon la chef du gouvernement. France Bleu Gard Lozère, ici, on parle d'ici, avec le conseil départemental du Gard. Le Gard pour vous, le Gard c'est vous. Donc, encore de la vigilance, effectivement, on l'attend cette pluie, en tout cas, nous ici, en plaine. Eh oui. Sur les reliefs, c'est autre chose. Mais vous l'avez dit, Sylvie, vigilance orange, pluie, inondation, jusqu'à 6h hein, demain matin dans le Gard, vigilance jaune en Lozère. Alors, Météo France prévoit une soirée orageuse dans le quart sud-est de la Lozère et la moitié ouest du Gard. La nuit, elle, sera pluvieuse. Les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés en Lozère. Elles oscilleront entre 13 et 19 degrés dans le Gard. Demain, jeudi 19, pluie éparse en matinée dans nos deux départements avant le retour des éclaircies pour la mi-journée dans le Gard. Et en soirée, en Lozère, les températures maxi atteindront 23 à Trèves et Bagnols-sur-Cèze, 24 à Vauvert, 25 à Nîmes. En Lozère, le mercure grimpera jusqu'à 16 au milieu de la journée à Châteauneuf-de-Randon, 20 à Mende et Saint-Germain-de-Calberte jusqu'à 21 à La Canourgue. La météo 100% locale avec l'aéroport de Montpellier Méditerranée. Des destinations françaises, européennes et méditerranéennes à découvrir. Informations sur www.montpellier.aéroport.fr. 17h04, bah ça y est, ça commence à se charger dans l'agglo nîmoise. On commence par le sud, côté Caissargues. Quelques points de tension actuellement sur la D135, côté ouest de Caissargues. Des ralentissements légers, cette fois sur la D13, toujours dans le sud, sud-ouest. Et puis, ceinture ouest, le boulevard Pasteur Marc Bogner est encombré. Vous roulez à moins de 10 km/h actuellement. Des répercussions sur l'Alien D côté ouest. L'Alien D côté est est également encombré, avec petite répercussion sur l'avenue Pierre Mendès France. C'est compliqué aussi sur la route de Beaucaire côté est. Et puis actuellement sur la rue Vincent Faïta. Dans le centre, c'est l'avenue Jean Jaurès qui vous pose problème actuellement. Vous roulez à moins de 15 km/h. Quelques points de tension aussi sur la route de Saint-Gilles, mais c'est léger. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés hein, sur les routes du Gard et de la Lozère, n'hésitez pas, hein, vous nous appelez 04 66 21 36 37. On fait le relais à l'antenne. Le 16-18 de France Bleu Gard Lozère. Alex Montfort. Direction Fourques, dans quelques minutes, c'est à 40 minutes au sud-est de Nîmes, tout près d'Arles. Et à Fourques, du 23 au 26 octobre, se tiendra la 37e édition du Festival de la Marionnette et des Formes Animées. Alors, 4 spectacles, plein de magie pour petits et grands, c'est vraiment tout public. Et c'est pendant les vacances de la Toussaint. Patrick Emmanuel, l'un des organisateurs de ce festival, sera dans nos studios d'ici quelques minutes. Un bon plan famille hein, pour les vacances de la Toussaint, suivi d'un deuxième bon plan famille, puisqu'on va vous offrir dans la prochaine demi-heure un pass pour le Footy Golf Family de Caissargues. Pass famille, ça fait 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Il y aura de la musique aussi avec Nicolas Lespoul et son collector, de la variété française. Autre collector tout de suite, Maxime Le Forestier, né quelque part. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et les oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part. Ni croix, ni croix. famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Un tube de rentrée 87, né quelque part Maxime Le Forestier. Il a 74 ans depuis le mois de février, Maxime Le Forestier. France Bleu Gard Lozère, l'invité qui donne envie de sortir. Et cet invité est Patrick Emmanuel, l'un des organisateurs de la 37e édition du Festival de la marionnette et des formes animées de Fourques. Elle aura lieu du 23 au 26 octobre, cette 37e édition. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Bon, vous me disiez, vous avez mis 25 minutes pour venir de Fourques. Hein. C'est ça, à peu près, oui. 25 minutes, donc sud-est, bien évidemment, de Nîmes, tout à côté d'Arles. Tout à côté d'Arles. Et on en parlait, c'est incroyable, parce qu'en fait, il y a quelques dizaines de mètres qui vous séparent finalement des Bouches-du-Rhône du Gard, en fait. Oui, il y a juste le petit Rhône, donc on est de l'autre côté de la rive, et puis Arles de l'autre côté, tout simplement. Il suffit de traverser. Alors, du coup, ce 37e festival de la marionnette et des formes animées, de quoi il s'agit exactement, Patrick ? Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu l'événement ? Bon, alors, ce festival, bon, c'est le 37e. Il est né en 1985. On a manqué une édition. C'était en 2021 avec le COVID, malheureusement. Ouais. Voilà. C'est une idée de monsieur Jean-Michel Azéma, qui est actuellement premier adjoint à la mairie de Fourques. Oui. Et qui a eu cette idée de créer un festival pour justement un petit peu développer l'activité culturelle un petit peu en zone rurale, hein, puisqu'à l'époque, il y a de cela bien longtemps en arrière, on avait beaucoup moins d'activités, de projets culturels que ce qu'on a maintenant. Voilà. Et donc, il a créé ce festival il y a maintenant donc 37 ans. Donc, à l'époque, c'était un festival qui était ouvert, qui avait des séances scolaires. Voilà. Ensuite, avec les années, c'est devenu le festival, le printemps de la marionnette. Il avait lieu au mois d'avril, pendant les vacances. Et puis voilà, maintenant, ça fait déjà un bon petit moment qu'il est bien installé pendant la première semaine des vacances de Toussaint et qui est devenu le festival de la marionnette et des formes animées. Donc, c'est un festival qui réunit sur 4 jours. Donc, ça, on a gardé toujours la même trame. Sur 4 jours, 4 compagnies professionnelles, hein. Il faut bien dire compagnie professionnelle, puisque maintenant, il y a des compagnies qui viennent entièrement de leur spectacle tout sûr. À fait. Ouais. Voilà, donc, qui viennent un petit peu des 4 coins de France. Et donc, voilà, donc on propose ce festival tous les ans, première semaine première semaine des vacances de Toussaint. Alors, petite question aussi, parce que marionnettes et formes animées, c'est-à-dire, enfin je veux dire, pourquoi formes animées du coup ? Voilà, donc parce qu'on n'a pas voulu se laisser simplement marionnettes, parce que bon, en rajoutant formes animées, ça nous permettait d'avoir une palette plus large de spectacles à proposer. Voilà, alors formes animées, ça peut regrouper quoi ? Ça peut regrouper, comme on verra tout à l'heure sur le programme de cette année, par exemple du dessin sur sable. D'accord. Voilà, donc ça peut être ça. Ça peut être un spectacle qui allie à la fois les marionnettes, mais aussi de la vidéo.

c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux. Est-ce que tu penses que c'est mieux, mieux comme ça? France Bleu Garloser, le duo Stéphane Petitcas, l'instant Stéphane, chanteuse suisse. Elle a sorti son premier album en tout début d'année, super album d'ailleurs, intitulé Madame. France Bleu Garloser, l'invité qui donne envie de sortir. La 37e édition du Festival de la marionnette et des formes animées à Fourques, tout près d'Arles, du 23 au 26 octobre. Alors, pour vous en parler ce soir, Patrick Emmanuel, l'un des organisateurs de l'événement. Patrick, on va rappeler ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir que c'est un spectacle, enfin, ce sont des spectacles à tout public, c'est-à-dire pour petits et grands. Est-ce qu'on peut nous, on va dire, faire un petit descriptif de ces quatre spectacles qui seront donnés? Tout à fait. Donc, alors, le festival commence le lundi 23 octobre. Alors, chaque fois, il y a deux séances par jour, une à 15h, l'autre à 18h30. Oui. Donc, le premier spectacle, c'est une cigale en hiver. C'est la compagnie des gestes et des formes qui vient du département de l'Aude, donc de la région. Alors, la cigale en hiver, c'est quoi? C'est une adaptation d'un libre et poétique de quatre fables de Jean de La Fontaine. La cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Le chêne et le roseau, et le renard et la cigogne. C'est un spectacle de marionnettes contemporain, mais dans un univers tout à fait poétique. Voilà. Alors là, par contre, il faut faire attention, c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants à partir de 5 ans, on va dire, donc à peu près niveau CP, hein, voilà, et qui dure une heure. Voilà. Donc c'est pour ça que là, il faut peut-être pas trop venir avec des trop jeunes enfants. C'est vraiment, ça s'adresse à un public, voilà, à partir, on va dire, de CP pour ce spectacle-là. Ensuite, donc, on passe le lendemain, le 24 octobre, Léonard, l'enfant de la lune, c'est la compagnie Croquetis, ils nous viennent de Château-Renard. Voilà, donc, alors là, c'est une technique particulière du théâtre de marionnettes, c'est du théâtre noir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout les manipulateurs et on a l'impression que les objets volent comme ça dans l'espace. Donc, c'est tout à fait magique. Donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se trouve sur un croissant de lune. Mais comme il est très gourmand, il va manger petit à petit ce croissant de lune. Et ensuite, bon, ben, que va-t-il se passer une fois qu'il n'y aura plus le croissant? Donc, ça, c'est toute l'histoire. Donc, ça, c'est un spectacle à partir de 2 ans, par contre, là, et qui dure à peu près une trentaine de minutes. Voilà, donc toujours 2 séances, 15h et 18h30. Le mercredi 25 octobre, c'est du dessin sur sable. Alors, c'est Monsieur Pochet, Christian, qui nous vient de Port-de-Bouc. Voilà, alors lui, c'est pas tout à fait une compagnie, c'est, on va dire, une personne individuelle comme ça. Alors, il va nous proposer du dessin sur sable. Alors ça, c'est tout à fait magique, le dessin sur sable, c'est magique parce que ça se crée devant nos yeux, mais c'est tout à fait éphémère, puisque dès que c'est créé, ça disparaît, le dessin sur sable. C'est absolument remarquable. Alors, il va nous faire voyager dans l'espace, dans les continents, les pays, etc. Donc, ce sont plusieurs tableaux comme ça qui vont se succéder. Que dire de plus? Il va y avoir une musique d'accompagnement, mais alors, venez voir. C'est tout à fait remarquable et impressionnant comme technique, le dessin sur sable. Voilà, donc ça s'adresse à partir de 4 ans, ça dure 55 minutes. Et donc, on finira le festival le jeudi 26 octobre avec un spectacle qui s'appelle Minute Cocotte, la compagnie du Polisson qui nous vient de Saône-et-Loire. Alors, ça, c'est une histoire qui se passe dans un poulailler, donc il va y avoir plein d'animaux, tout à fait différents les uns des autres. Les marionnettes sont magnifiques, ce sont des marionnettes en bois très colorées. Voilà, et le spectacle est à la fois très poétique et très drôle à la fois. Voilà, il s'adresse à partir de 3 ans, durée à peu près 45 minutes. Voilà. Alors, pour terminer, enfin, juste pour préciser quelque chose, les réservations ne sont pas obligatoires, mais elles sont préférables. Alors justement, est-ce qu'il y a un site, Patrick, pour réserver en ligne? Alors, il n'y a pas de site, il suffit simplement de téléphoner au numéro suivant, le 04 90 93 14 47, et on prendra un plaisir de vous faire la réservation en direct. Merci beaucoup Patrick Emmanuel, co-organisateur de la 37e édition du Festival de la marionnette et des formes animées. C'est à Fourques, donc tout près d'Arles, du 23 au 26 octobre. On va rappeler le numéro pour réserver, Patrick. Alors 04 90 93 14 47, et le festival se passe, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, elle se passe à l'auditorium de Fourques, dans le magnifique écrin de l'auditorium de Fourques, qui est juste à côté de la mairie. Eh ben écoutez, c'est top. Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt sur France Bleu Garloser. Merci beaucoup, merci à vous. Bon, j'espère que vous aimez Laurent Voulzy, les années 80, ah, tout oui, ça. Super, oui, oui. Eh ben écoutez, on écoute Laurent Voulzy, hein, tout de suite pour vous. Bubble Star. J'ai ça c'est chouette, et je fais des minominates. Toujours complet, ça c'est beau dans mon dodo. Écoute un peu la la la la la la la la la la la. Regarde un peu la la la la la la la la la la la. Bubble Star. Risque-t-elle pas ces bulles qu'on zoom, zoom, zoom, zoom, un jour de faire boum. Lozère, Bubble Star en 78, Laurent Voulzy, les paroles sont d'Alain Souchon, l'une des toutes premières collaborations de l'histoire du duo. Voulzy, Souchon, allez, l'histoire avec un grand H, les Stones pour vous. Garloser, les Rolling Stones, Angry, le premier extrait du 24e album des Stones à paraître vendredi. C'est l'événement. 24e album des Stones, vendredi. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bah mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait le plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. Ce dimanche, 22 octobre au Vigan, c'est la 29e foire de la pomme et de l'oignon parrainée par le lycée professionnel hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. 90 producteurs, espace de restauration, animation gratuite. Venez découvrir la nouvelle récolte de la pomme rainette et de l'oignon doux des Cévennes. Terroir, qualité, convivialité, c'est l'image du pays viganais et c'est ce dimanche au Vigan. Plus d'infos sur cc-paysviganais.fr. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Garloser, ici, on parle d'ici. 17h31, un petit coup d'œil sur l'état de la circu dans la Glonimoise avec Vincent des Taxis Tran. Bonsoir Vincent. Et bonsoir France Bleu, en forme ? Bah en forme plutôt pas mal. Hein. Bon, je vois sur la carte, ça commence à se charger quand même hein, dans l'agglo. C'est ce que j'allais vous dire, ouais, ça commence à circuler pas mal. Toujours un peu comme d'hab, hein, on a la route d'Arles, le rond-point de la route d'Arles sur le périphérique qui est coincé, l'accès à l'autoroute au niveau de la ville active qui est coincé aussi. Et en ville, ça circule pas mal, mais il y a quelques petits bouchons qui ne durent pas très longtemps, mais... C'est quand même assez chargé en centre-ville aussi ce soir, c'est assez bizarre. On a un petit ralentissement aussi sur Caissargues. Exact, sur la carte, effectivement, au nord de Caissargues, ouais. Sur la D42 et aussi à l'ouest sur la D135. Mais vraiment, les trois gros points de fixation, ben, n'oubliez pas qu'il y a des travaux route de Beaucaire au niveau du Leclerc. Là, ils sont en train de faire des... au niveau du rond-point, il n'y a qu'une voie, donc ça ne circule pas très vite, mais ça circule toujours. Et en centre-ville, je vous dis, pas mal de petits bouchons, mais c'est plutôt des ralentissements que des bouchons. Quoi. Mais il y a la circulation ce soir, effectivement. Ouais. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de circuits, Vincent, mais on va faire un point de toute façon hein, d'ici allez, une petite demi-heure, histoire de... En tout cas, Vincent, on vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci à vous, Vincent. Hein, et puis... 04-76-29-40-11 pour vous abonner. Excusez-moi, c'est quoi, vous dites ? N'oubliez pas le numéro de téléphone des taxis, 04-76-29-40-11, disponible 7 jours sur 7. Eh ben voilà, les taxis Trananim. Merci beaucoup, Vincent. Merci, France Bleu. En tout cas, bonne soirée, au revoir. Allez, bonne soirée. Allez, France Bleu, Garloser. Bah oui, franchement, on adore les années 80. C'est pour ça qu'on vous passe beaucoup de musique. Franchement, c'est pas la meilleure période. Hein. La balade de Jim, tout de suite pour vous, Alain Souchon. La presqu'île

France Bleu Gard Lozère, c'est cadeau. C'est cadeau, 04 66 21 36 37. Appelez maintenant pour votre passe famille au Footy Golf Family à Caissard. Passe 4 personnes, ça veut dire 2 adultes, 2 enfants. Le Footy Golf Family à Caissard, un espace de 2000 m2 pour vous allumer en famille et tester le Footy Golf. Alors du coup, c'est un mix entre le foot et le golf, hein, comme son nom l'indique, Footy Golf. Alors objectif, rentrer la balle dans un but dédié en effectuant le moins de frappes possible. Bon, il y a aussi un mini-golf traditionnel hein, au Footy Golf Family de Caissard. Votre passe famille, c'est maintenant. France Bleu Gard Lozère, c'est cadeau. 04 66 21 36 37. Allez, 04 66 21 36 37. On vous attend au standard, c'est Coralie. Tout de suite, Billy Joel. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend on. Gard Lozère, c'est tout doux. Billy Joel, 79, Honesty. France Bleu Gard Lozère, c'est cadeau. C'est cadeau pour Aman. Bonsoir Aman, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oh, il y a eu un petit temps de latence. Je me suis dit, bah tiens, elle est partie, Aman. Bah non. Non, non, finalement, elle est avec nous. Ça nous fait plaisir. Alors, c'est ça. Bon, alors vous nous appelez d'où? De Nîmes. Est-ce que vous connaissez... Allez-y, Aman, je vous écoute. Oui, oui, oui. Donc... Ben non, je vous disais, j'étais dans ma voiture, je me suis arrêtée et je vous ai appelé et je suis ravie d'avoir gagné. Bah oui, parce que j'entends, il y a le bruit du clignotant que vous avez actionné. Oui. Ou alors c'est les warnings peut-être. Oui, c'est les warnings. Et vous êtes à quel niveau dans Nîmes du coup en voiture? Je suis au Mont-du-Plain. Il y a du monde? Non, ça va. Le mercredi, c'est assez calme. Ouais, c'est vrai que c'est relativement calme. On va faire un point d'ailleurs sur la circuit hein, d'ici un petit quart d'heure. En tout cas, Aman, donc, vous gagnez ce passe-famille pour le Footy Golf Family à Caissargues. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le Footy Golf, le principe? Pas du tout, non. Bon, j'ai entendu foot. Oui, c'est ça. J'ai dit, mon fils sera ravi. En fait, c'est vraiment un mix entre le foot et le golf. Hein. Voilà. Donc, à mon avis, il sera ravi. Il s'appelle comment, votre fils? Ah oui. Eh ben, on l'embrasse. Il a 7 ans. Voilà. Bon, bah écoutez, on l'embrasse, on vous embrasse. Vous irez donc avec toute la petite famille au Footy Golf Family à Caissargues. Ce sera pendant les vacances de la Toussaint. Eh ben, tout à fait. Eh ben, c'est super. On vous embrasse fort, Aman. Merci de votre fidélité à France Bleu Garlozère. Je veux dire à Garlozère France Bleu. Je mélange tout, moi. À 6h-10, c'est toujours parfois difficile. Bon, on vous embrasse, Aman. C'est vrai. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée. France Bleu Garlozère, tout de suite, c'est Zaz en duo avec Léo Rizzi. Sur le chemin de ma quête, je guette les imprévus, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, une destination et je rejoins. Bota de cuero y andar. Que hay tantos ríos y tanta maleza que pesa sin nadie detrás. Esa es la actitud, esa es la actitud. Caminar sin pensar la altitud. Cuando no veas salidas, recuerda que el bosque es más grande que tú. Avec Léo Rizzi, Serendipia. Ouais, je vais essayer de le chanter, mais ça marche pas. Bon, un titre en tout cas qui figure sur le dernier album en date de Zaz. Elle l'a réenregistré en duo avec ce chanteur espagnol qui s'appelle Léo Rizzi. On file dans les années 80 tout de suite avec Kate Bush, Running Up That Hill. Thank you. Lozère. Kate Bush en 85, Running Up That Hill. Le rugby et puis les infos juste après ça. Bah, c'est parti, on y va. Hein. 6h moins 2. Bonjour, c'est Serge Delcourt, toute l'équipe du 6-9 ce jeudi matin sur le pont, évidemment à fond avec vous. On va suivre l'évolution météo, évidemment. Entre autres invités ce jeudi, le réalisateur d'un documentaire sur la dépression des sportifs de haut niveau, ça s'appelle Strong. Nous évoquerons également le lancement du Téléthon au pont du Gard, des animations avec les pompiers du Gard. Pour les cadeaux, c'est simple, vous gagnez le parapluie France Bleu Gard Lozère. Le 6-9 avec toute l'équipe, demain matin. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical. Demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La nostalgie », à ne pas confondre avec la nostalgie. La nostalgie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. « La nostalgie » de Patrick Sébastien, un récit à savourer, un livre XO. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Gard Lozère. Mercredi 18 octobre, France Bleu Gard Lozère, il est 18h. Les infos, c'est avec Sylvie Duchesne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Le Gard, toujours en alerte orange aux pluies et inondations. Pour l'instant, seuls les reliefs Cévenoles ont été arrosés par des pluies orageuses très localisées. Elles devraient s'étendre cette nuit sur le bassin du Vidourle et le bassin alésien avec des cumuls plus importants. Pas de catastrophe, mais la vigilance reste de mise. Les épisodes Cévenoles, comme celui qu'on vit en ce moment, restent potentiellement dangereux. D'où l'importance de cultiver leur mémoire. C'est ce que fait régulièrement le PTB Vidourle, l'établissement public territorial de bassin. Il installe des repères de crues dans les communes qui ont été touchées par le passé, comme par exemple il y a quelques jours à Saint-Hippolyte-du-Fort, où ces repères ont été installés sur le temple, devant les enfants des écoles, Ludovic Labastrou. 1958, 1988, 2002 ou 2014, ce rappel des épisodes méditerranéens n'est pas exhaustif, mais reste gravé dans nos mémoires, y compris les plus tendres. Ça pleuvait des cordes. Quand t'es vraiment petit, ça fait peur. Quand j'avais 1 ou 2 ans, je crois, j'avais un jardin. Il était vraiment complètement inondé, ça ressemblait à un lac. C'est un peu tragique. Des enfants sensibilisés, mais une piqûre de rappel n'est pas inutile. Quand il y a une inondation, est-ce que les parents doivent venir chercher les enfants à l'école? Oui. Non. Non, c'est les pompiers. Si les pompiers ne viennent pas, il y a un hélicoptère qui va venir ou un bateau. Eh bien alors, on va attendre l'hélicoptère et le bateau. Estelle est cigaloise, elle a connu jeune des inondations. Devenue maman, elle sait comment faire en cas de débordement. À la maison, ils ont leur quotidien quand on s'en va. Ils préparent leur petit sale, leur petit nounours préféré. Ça se passe dans le calme. Ils ne sont pas trop chargés. Si, souvent, il faut les réguler un peu, faire partir avec leur chambre. L'automne, le risque inondation toujours présent sur une terre qui a soif. Bruno Olivieri est le maire de Saint-Hippolyte-du-Fort. Nous sommes confrontés à un cruel dilemme. Les épisodes de Cévenoles, on en a besoin, mais beaucoup plus modérés pour recharger nos nappes phréatiques qui sont vraiment au plus bas. Voilà, pour l'instant, pas d'énormes cumuls de pluie. Ils devraient être plus importants au cours de la nuit. Le trentenaire qui était en garde à vue depuis lundi soir à Nîmes après l'agression d'une joggeuse au domaine des skates a été écroué. Cette femme de 45 ans a été frappée derrière la tête puis traînée par les cheveux. Son agresseur l'a ensuite frappée au visage avant de tenter de lui retirer son legging. La joggeuse avait réussi à se libérer et à prendre la fuite avant d'alerter les policiers. Les élèves du lycée d'Audé à Nîmes, confinés à l'intérieur du gymnase jusqu'en début d'après-midi. Une alerte intrusion a eu lieu dans la matinée après le déclenchement des alarmes incendies. Une vingtaine de policiers se sont rendus sur place. Les locaux ont été fouillés sans résultat. Les cours ont pu reprendre normalement en début d'après-midi. Ce matin également, une dizaine d'aéroports ont été fermés, là encore après des menaces d'attentats, ce qui a provoqué de très nombreux retards dans les vols. Le château de Versailles a également été évacué après une nouvelle alerte. C'est la troisième depuis le début de la semaine. Ces fausses alertes, on le voit, se multiplient depuis l'attentat d'Arras. Elles mobilisent à chaque fois de nombreuses forces de police. Aurélien Tirard. À chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leurs bâtiments hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, de son côté, se dit favorable à l'installation de bandes d'appel d'urgence dans les lycées. Elles seraient reliées au commissariat ou à la gendarmerie pour mieux sécuriser les établissements scolaires. La présidente de la région souhaite également que les enseignants et professionnels de l'éducation soient davantage formés, justement, en cas d'intrusion. De gros moyens ont également été mobilisés cette nuit à Alès. Une 40aine de personnes, policiers, nationaux et municipaux, les douanes, les services de l'hygiène et l'URSSAF, ils ont mené une opération conjointe dans les quartiers principalement visés, les épiceries de nuit. L'opération a été dirigée par le patron des policiers d'Alès, le commissaire Emmanuel Dumas. Des infractions qui ont pu être relevées, alors en matière de travail dissimulé, en matière également de vente de tabac illégal, également en matière fiscale. Derrière, ce sont donc des contrôles administratifs. Certaines de ces infractions vont permettre possiblement de conduire l'autorité administrative à demander des fermetures. Tout d'abord des avertissements, jusqu'à ce coup près qui serait celui de la fermeture. Et la fermeture, encore une fois, signifie pour eux un manque à gagner. Donc on n'est pas là pour stigmatiser une profession, mais derrière, ce que nous on veut obtenir, c'est que ces établissements se mettent au diapason. Bon, pour certains, les choses sont faites correctement. On est là pour rappeler surtout qu'en matière de tranquillité publique, ils ont aussi un rôle à jouer, ces gérants-là. Nous avions travaillé pas mal sur l'aspect stup. Là, on n'est pas sur les mêmes problématiques. On continuera sur d'autres secteurs. On va varier les plaisirs. À l'Est, toujours un homme d'une 40aine d'années a été placé en garde à vue ce matin après s'être rendu de lui-même au commissariat. Il aurait publié sur le net de nombreux messages haineux à l'égard d'Israël. Il pourrait être poursuivi pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme. Au Proche-Orient, justement, Israéliens et Palestiniens continuent de s'accuser mutuellement après la frappe sur un hôpital de Gaza hier soir. Plus de 400 personnes ont été tuées. Joe Biden, le président américain, était en visite à Tel Aviv. Il a repris la version israélienne. Selon lui, c'est une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste à Gaza qui aurait détruit cet hôpital. France Bleu Gard-Lozère, ici, on parle d'ici. Avec le conseil départemental du Gard. Le Gard pour vous, le Gard c'est vous. On le répète, prudence, puisque nous sommes toujours dans le Gard en vigilance orange, pluie et inondation. Exactement, vigilance orange, pluie, inondation jusqu'à 6h demain matin dans le Gard. Vigilance jaune en Lozère. Alors Météo France prévoit une soirée orageuse dans le quart sud-est de la Lozère et la moitié ouest du Gard. La nuit, elle, sera pluvieuse. Les températures seront comprises entre 10 et 15 degrés en Lozère. Elles oscilleront de 13 à 19 degrés dans le Gard. Demain, jeudi 19, pluie éparse en matinée dans nos deux départements avant le retour des éclaircies pour la mi-journée dans le Gard. Et en soirée, en Lozère, les températures maximales atteindront 23 à Trèves et Bagnols-sur-Cèze, 24 à Vauvert et 25 à Nîmes. En Lozère, le mercure grimpera jusqu'à 16 au meilleur de la journée à Châteauneuf-de-Randon, 20 à Mende et Saint-Germain-de-Calberte jusqu'à 21 degrés à la Canourgue. La météo 100% locale avec l'aéroport de Montpellier-Méditerranée. Des destinations françaises, européennes et méditerranéennes à découvrir. Informations sur www.montpellier.aéroport.fr. 18h07, coup d'œil sur l'état du trafic dans l'aglo nîmoise. Toujours la ceinture ouest encombrée au niveau du boulevard Pasteur Marc Bogner. Vous roulez à moins de 20 km/h actuellement. Le centre aussi. L'avenue Jean Jaurès est encombrée, saturée dans les deux sens, tout comme l'avenue Kennedy. C'est compliqué aussi sur la ligne D côté est, avec répercussions sur l'avenue Pierre Mendès France. Des points de tension aussi actuellement sur la D979 en provenance de la rue Vincent Faïta. C'est compliqué aussi sur la route d'Avignon actuellement. Et puis un petit peu plus à l'est, du côté de Rodillan, ça coince sur la D135 à hauteur de Rodillan. D135 toujours, mais côté sud de l'aglo nîmoise cette fois, on va dire à l'est de Caissargues, léger ralentissement. En tout cas, si vous rencontrez des difficultés sur les routes du Gard ou de la Lozère, eh ben, n'hésitez pas à nous les signaler. 04 66 21 36 37. France Bleu Gard Lozère, rugby. Friction. Jusqu'à 18h30. Lié. Alex Montfort. Je. Le RCN, quatrième de la poule 2 de National 2 après 6 journées, 4 victoires, 2 défaites, un bonus défensif. Les Nîmois, quatrième derrière le trio de tête, Mâcon, Hoche et le Stade Métropolitain, leader. Dans quelques minutes, on va faire le bilan de ce premier bloc de 6 avec Michel Bérard, membre du conseil d'administration du rugby club Nîmois. Paul Vidal, chargé de communication et des relations presse du club, sera également dans nos studios. On reviendra notamment sur la victoire à domicile le week-end dernier face à Rumilly. Prochain match le 5 novembre. Nîmes se déplacera à Valence d'Agen. 100% rugby, 100% RCN. C'est tout de suite. On démarre avec Michael Black or White. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Yeah. France Bleu Gare-Lozère, la musique que vous aimez tout au long de la journée hein, d'ailleurs. Michael Jackson à l'instant, Black or White, tube emblématique du début des années 90. Plus d'un million de singles écoulés quand même hein, aux États-Unis à l'époque et 250 000 en France. Ça fait beaucoup. France Bleu Gare-Lozère, rugby. Flexion, lié. Jusqu'à 18h30. Je... Michel Bérard est membre du conseil d'administration du Rugby Club Nîmois. Bonsoir Michel. Bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir à tous. Bon, Paul Vidal, lui, est chargé de com et des relations presse du RCN. Bonsoir Paul. Et bonsoir. Bon, pour une fois, on se voit de visu parce qu'on échange régulièrement au téléphone et par mail. Bon, messieurs, Nîmes, quatrième après six journées de championnat. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison ? Est-ce qu'on peut parler déjà d'un bloc de six ? Forcément oui, parce qu'il y a quand même une trêve. Après six journées, le RCN, vous en pensez quoi ? Je vais demander déjà à notre ami Michel. Moi, je pense qu'on est dans les clous, hein, largement. Bon, là, je parlerai du dernier bloc parce que là, l'avant-dernière, on a déjà parlé ici sur l'antenne. Donc là, on a un bloc. Bon, on a gagné nos deux matchs à la maison. On est allé perdre à l'extérieur contre Roche, qui était premier, nous second. Bon, on n'a pas fait notre meilleur match à Roche. Bon, après, bon, il y avait plein de peut-être de facteurs limitants à ça, un déplacement long sur une journée. Bon, après, on va pas chercher des excuses. Roche a été bon 20 minutes, nous pas très bon. Et puis voilà, ils ont privé, on a privé 20 points en 20 minutes. Hein. On était 6 à 6, 26 à 6 à la mi-temps. Derrière, ils marquent 3 points. Puis après, la deuxième mi-temps, on a marqué un essai. On est revenu à 26 à 11, 29 à 11. Et puis, on n'a pas été capable de marquer plus pour aller chercher le bonus défensif. Après, les matchs à la maison, bon, Lannemezan, quand tu es une belle équipe de Lannemezan, on a montré beaucoup de caractère, beaucoup de pragmatisme, de réalisme pour pouvoir battre cette équipe, parce qu'elle était très, très difficile à manœuvrer. Mine de rien, c'était une belle performance. Je dirais que autour de l'équipe, tout le monde n'était pas très satisfait. Moi, je pense que c'était une belle victoire quand même. Bien sûr, peut-être pas avec la manière, mais contre une équipe très difficile à manœuvrer. La semaine dernière, contre Rumilly, bon, on a fait un très bon match. Bon, le seul regret qu'on peut avoir, c'est d'avoir laissé partir le bonus offensif. Parce qu'on avait 3 essais à 0. On en a pris un dans les 10 dernières minutes. Bon, je pense qu'on aurait pu en marquer un quatrième, nous, avant ou après ce quatrième. On n'a pas pu. Un peu de fatigue, un peu... Bon, voilà. Mais dommage, c'est le seul... sur ce bloc, je pense qu'on est bien dans les clous. On a gagné nos deux matchs à la maison. Bon, on aurait pu prendre... un bonus offensif et en étant plus performant à Hoche, un bonus défensif qui nous aurait mis à 10 points ou d'en prendre 8 sur le bloc. En fait, je pense qu'on est dans les clous et que petit à petit, bon, on va tranquillement regagner les deux premières places. Alors, Paul, justement, Michel le disait, on est dans les clous. L'objectif, bien évidemment, c'est quand même ces fameuses phases finales, on va pas se raconter de bêtises, hein, les phases finales à la fin de la saison. Donc du coup, Paul, vous, votre sentiment par rapport à ça, on est pile poil dedans. Ben je pense que Michel a vraiment tout évoqué au niveau sportif. Moi, c'est pas mon métier de parler du sportif. Je laisse la main à Michel. Nous, plutôt en termes d'affluence, de monde, de com. Franchement, on a eu une belle progression. On est dans la lignée de la fin de saison dernière. Donc c'est que du plus, que du bonus, et on attend encore plein de monde pour ce bloc. Alors c'est vrai que vous qui êtes chargé de com, hein, Paul, l'avantage aussi du RCN, c'est qu'il peut compter sur le soutien de ses supporters, de ses spectateurs. On l'a vu d'ailleurs encore face à Rumilly, hein, le week-end dernier. Ouais, on était à peu près entre 1500 et 2000 personnes en moyenne, un espace VIP rempli avec cette vente aux enchères de maillots. On va en parler d'ailleurs dans un instant, hein, cette vente, parce que... C'est vrai qu'on va dire tout de suite le chiffre, hein, si vous permettez. Ouais. Quand même 15 000 euros récoltés pour les roses de l'étang. Rose du Gard, pardon. Moi, je trouve que c'est une belle image qu'on donne. Et surtout, par un service à cette association qui se bat tous les jours avec des gens avec des maladies, je dirais, très contraignantes. Certaines, bon, on connaît ce cancer qui dévore les gens. Mmh. Donc là... parce que bon, ça va directement avec l'esprit rugby qui partage, du partage, de l'altruisme, de donne de soi. Donc là, ben si on peut nous petitement les aider, alors bon, on a fait ce 20 aux enchères. Je pense que bon, ça leur a amené beaucoup de bonheur. J'ai vu beaucoup de gens heureux dans les vestiaires venir récupérer les maillots, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient en bonne santé, mais tout le monde avait été heureux. Je pense qu'on leur a mené un petit moment de bonheur. C'est ce qui compte aussi dans cette maladie. Ben oui. Et ensuite, bon, ben, les gens qui luttent tous les jours, dans cette association pour la faire marcher, pour la rendre attrayante, pour apporter ces soutiens psychologiques, médicaux à ces gens qui sont en difficulté dans la vie, parce que c'est le cancer, c'est aussi pénalisant dans la vie, dans son travail, dans sa vie de famille. C'est cette aide financière, je pense que ça va les aider. Et puis nous, le rugby, ben on est heureux d'avoir pu participer à cette action et encore plus au rugby club nîmois. Voilà. C'est l'heure de la pause pour les rugbymen nîmois. Une trêve de 4 semaines avant la reprise du championnat. Ce sera le 5 novembre à Valence d'Agen. Michel Bérard et Paul Vidal sont les invités du 100% RCN. France Bleu Gardezère, ici, on aime les défis. Pour sa deuxième édition, samedi 11 novembre, la Venivici t'invite à remonter l'histoire au fil de l'eau, du Zassanim en passant par le pont du Gard. Plein de formats possibles, du 12 km au 70 km. Et pour ceux qui sont gourmands et qui aiment marcher, une rando avec les produits stars du label des militants du goût. Venivici 2023, plus d'infos sur lavenivici.com ou en écoutant France Bleu Gardezère. On your mark, get set, go! Dimanche 22 octobre, c'est la 17e édition du Festival Primeur aux collines du Bourdic. Venez découvrir le savoir-faire de leurs vignerons avec une visite commentée de la cave à 14h, concert pop du talentueux trio Enjoy Music à 15h et dégustation de savoureuses châtaignes grillées. Entrée libre, événement sous chapiteau. Soyez nombreux dimanche au caveau de Bourdic. Ce dimanche 22 octobre au Vigan, c'est la 29e foire de la pomme et de l'oignon parrainée par le lycée professionnel hôtelier Marie Curie de Saint-Jean-du-Gard. 90 producteurs, espaces de restauration, animation gratuite. Venez découvrir la nouvelle récolte de la pomme rainette et de l'oignon doux des Cévennes. Terroir, qualité, convivialité, c'est l'image du pays viganais et c'est ce dimanche au Vigan. Plus d'infos sur cc-paysviganais.fr. Le 100% club de France Bleu Gard Lozère. 04 66 21 36 37. Du rugby ce soir dans 100% club. En ligne de mire, le déplacement à Valence d'Agen pour les Nîmois. Ce sera le 5 novembre. National 2, poule 2, tout de suite. Joseph Kamel. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier au revoir. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrai ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Je serai partout où tu veux, si tu veux bien de moi. Et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera le vent, je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serai partout où tu veux.